Contes et légendes de la Seine-Maritime. Braquemont, le bal des fées. La cité de Lîmes a encore été pour nos marins le sujet des histoires les plus merveilleuses. On dit qu'en traversant la cité de Lîmes, le voyageur remarque parfois sur le gazon des empreintes récentes en forme de grands cercles, comme si on avait dansé. Ce sont, paraît-il, les traces des pas de fées qui furent de tout temps maîtresses de ce vaste domaine. Comme dans la plaine de Carnac, elles viennent en cet endroit mener, la nuit, au clair de lune, leurs danses accoutumées. Elles-mêmes avaient préparé un chemin qui conduisait à leur antique demeure. En une nuit, elles firent la chaussée qui conduit de Rouen à Dieppe. À la pleine lune de septembre, elles venaient s'installer à la cité de Lîmes pour tenir une foire annuelle. Elles étalent sur le gazon de précieuses marchandises, bijoux, riches vêtements, étoffes brochées d'or et de soie. Malheur à vous, si, traversant la cité, vous laissez vos yeux se fixer sur ces marchandises. L'éclat en est si doux que vous voudrez en vain continuer votre chemin. Ces belles fées, à la taille légère, vêtues de si blanches robes, vous entoureront, vous caresseront de belles paroles. Les heures s'envoleront, et sans vous en apercevoir, vous aurez été peu à peu entraîné à l'autre bout de la cité. Prenez garde, vous êtes au bord de la falaise. La fée perfide va vous pousser et vous précipiter en riant dans la mer. Abbé Ricoire, Histoire de la paroisse de Braquemont, lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.